Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Toujours un plaisir de vous retrouver pour parler bande dessinée, pour plonger dans l'univers du 9e art. Et un univers qui se prépare tranquillement et toujours à la fin de l'année. On le mentionne d'ailleurs un peu à chaque semaine. On fait le décompte des grands prix qui sont offerts. Et notamment, il y en a un autre qui est sorti cette semaine. C'est le Grand Prix de la Critique 2013. Alors, c'est l'album d'Emmanuel Guibert, L'enfance d'Alan, qui a été récompensé. L'Association des critiques de BD, ça c'est un prix européen, explique son choix de cette manière, et donc j'ouvre les guillemets. Ce qu'on dit, c'est « magnifié par les dessins épurés et virtuoses, portés par une mise en scène subtile et inventive. Le récit nous parle d'une Amérique qui n'existe plus. Il laisse aussi effleurer ce que l'on sait par ailleurs de l'auteur, passé maître dans l'art de l'autobiographie assistée en bande dessinée. Emmanuel Guibert fonctionne à l'empathie et à l'amour du prochain. » Alors voilà, en fait, j'ai pas encore eu l'occasion de porter un regard sur cet album. Il vient d'arriver chez moi aujourd'hui, mais c'est certain qu'on vous en reparle d'une manière ou d'une autre ici à La Vie en BD d'ici l'année prochaine. C'est certain. Et d'ailleurs, ben tranquillement, les choses se préparent aussi pour l'hiver. Notamment, il y a un festival qui s'appelle le Québec Adabra qui s'en vient, qui va commencer le 20 décembre prochain. Et ben justement, dans la programmation du festival, il y a un volet BD qui est offert. En fait, c'est un conte illustré. La conteuse Arline Thibault qui va présenter un conte de Noël. Et ça va être illustré par notamment Francis Desharnais qui donc va déterminer un peu les éléments qu'on va mettre de l'avant, donc ça va être intéressant de voir ça. Sur le très court terme et un peu plus prochainement, il y a d'autres activités également liées à la bande dessinée qui se préparent, notamment un match, troisième match d'ailleurs de la Ligue québécoise d'impro BD, c'est dimanche qui s'en vient le 16 décembre, c'est à 20h au Cercle, si jamais la chose vous intéresse. En fait, pour travailler à l'organisation de ces matchs-là de mon côté, ben je suis très positif par rapport à l'énergie qu'il y aura ce dimanche, j'en suis certain. Ben, je vous invite évidemment à venir nous y rejoindre. Alors voilà, on ferme ces parenthèses-là. Quelques regards donc sur l'avenir, des éléments dont on aura d'ailleurs l'occasion de reparler. Mais pour l'émission d'aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Qui aura-t-on l'occasion de recevoir? Ben notamment, on portera un regard sur une bande dessinée qui est arrivée du côté de Première Ligne. Ça s'appelle La Lettre A. On portera également un regard sur une série qui se poursuit, celle de L'Agent Jean. Ça, c'est chez Presse Aventure, en compagnie de leur auteur Alex A, qui est de passage à Québec, notamment en route vers une séance de dédicace demain vers 11h à la librairie Morancy, à Place Fleur-de-Lys. Alors ça, ce sera tout à l'heure. Également de passage, il y aura Isabelle Arsenault, la dessinatrice de la bande dessinée Jane le Renard et moi chez La Pastèque. C'est difficile de passer à côté de cet ouvrage qui a été fortement médiatisé et avec raison. C'est une excellente bande dessinée. On aura l'occasion de revenir sur le travail graphique qui l'a accompagné avec Isabelle Arsenault tout à l'heure. Et également, des commentaires BD, notamment des idées cadeaux de Marco Duchesne en fin d'émission. Et dans quelques instants, on jase avec Anne-Marie Olivier. Alors voilà pour le menu d'aujourd'hui. Et en musique, mais toujours une formation qui nous accompagne tout au long de l'émission. Et cette semaine, c'est la formation Slime Girls. On écoute un premier extrait de leur album Vacation Wasteland. Ça s'appelle Splash Nebula. Et voilà la formation Slime Girls, un ensemble féminin qui donne dans le 8 bits par ailleurs. Et ben on a le plaisir d'avoir au bout du fil Anne-Marie Olivier. Bonjour. Bonjour Raymond. Ça va bien? Oui. Et ben Anne-Marie toujours de passage évidemment pour nous parler BD, deux albums et on commence avec un premier au titre évocateur je trouve Pizza Road Trip. Oui. Alors, attachez-vous, hein, c'est quelque chose d'assez intense. C'est une BD donc de deux auteurs, Chat et El Diablo. On suppose que c'est pas leur vrai nom. Et l'éditeur Ankama. Alors, c'est une bande dessinée qui va comme suit. Alors, un personnage qui s'appelle Rudy, qui appelle son ami Romuald à 2 heures du matin pour un petit service, ouvrez les guillemets. Et celui-là va sentir vraiment immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un truc un peu plus emmerdant qu'une fuite d'eau. Ben un pneu a changé, là, il n'y a pas tort. Donc, ce personnage-là va être embarqué malgré lui dans une course un peu particulière, surtout sur les routes de France, jusqu'au fin fond d'un trou perdu pour livrer un paquet qui n'est pas nécessairement de la pizza. Un tantinet encombrant et ça pose beaucoup la question en fait jusqu'où on va pour rendre service à un ami. Alors voilà l'intrigue. Avec un vrai suspense dans le fond autour du paquet qu'on va dévoiler au cours de route et j'imagine un peu l'image d'un road trip avec beaucoup de rencontres aussi au fur et à mesure des étapes. C'est sûr qu'un road trip nocturne, donc le but n'est pas de faire des rencontres bien sûr et de se cacher un peu. C'est vraiment une comédie noire en fait, c'est assez au goût du jour, c'est très dynamique. Pour ceux qui connaissent pas la dessinatrice Chat, c'est une Française qui a un trait de dessin assez assez remarquable puis aussi très très très identifiable. On la reconnaît toujours à chaque fois qu'elle fait des dessins. Elle est très versée dans l'esthétique punk et elle a une maîtrise du trait assez incroyable. C'est vraiment vraiment trippant. On parle donc d'une esthétique punk. Comment on la représenterait sur la page pour peut-être se donner une idée avant d'aller sur Internet ou en librairie voir l'album? Ben, c'est un album déjà qui est accrocheur. La page couverture, c'est toute noire, valeur de gris, mais avec des accents orange flash. Donc, en fait, c'est une BD qui se passe beaucoup en France. Donc, c'est sûr que certaines références pour nous du Québec, peut-être qu'on n'est pas trop au courant, mais par exemple, la voiture qui sert de voiture de livraison, donc elle est orange, mais apparemment, c'est la couleur qui est identifiée en France pour les livreurs de pizza. Okay. Donc, de là la référence au orange qu'on retrouve sur la page couverture. C'est une BD qui est moitié couleur et moitié noir et blanc. Et ça, c'est un point fort, je trouve, aussi, parce que ça permet de bien suivre l'histoire. Quand la narration est au présent, qu'on suit le fil de l'histoire, c'est en noir et blanc, excepté quelques touches de globules rouges. Et à certains moments, il y a des flashbacks aussi pour bien comprendre l'histoire, d'où vient l'intrigue. Donc, cette partie-là est en couleur. Et généralement, en fait, c'est souvent le contraire. Quand l'histoire est au présent, c'est en couleur, et quand c'est au passé, c'est en noir et blanc. Donc, je trouve que c'est intéressant de jouer avec ces codes-là. Et aussi, malgré le récit qui est assez bien enlevé, ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage, en fait, il y a 3 personnages principaux qui sont aux prises avec chacun un secret. Et souvent, il va avoir une voix off et on va nous raconter, chaque personnage raconte, en fait, le secret qu'il cache à ses deux autres amis. Donc ça permet soit de camoufler à quelques petites fois, peut-être des temps un peu plus morts, mais ça donne vraiment du rythme au récit, puis ça garde le ton, c'est très intéressant. Alors ça, c'est vraiment un récit à découvrir, autant pour le côté narratif que pour le côté graphique. Là, on parle de quelque chose de bien fait, là, globalement. Oui, là, c'est une très belle BD. Le seul point faible que j'aurais à dire, c'est que c'est peut-être au niveau du langage, en fait, parce que beaucoup d'expressions qui viennent des banlieues parisiennes, donc on parle en abrège, on parle en verlan, donc ça peut être des fois un peu gossant, là, mais c'est pas la majorité des textes qui sont comme ça. C'est quelques expressions par-ci, par-là. C'est que c'est un langage bon, qui est pas à la portée de tous, puis des fois, il est plus difficile à décoder, mais ça enlève pas non plus la clarté du récit. Oui, ça me fait penser à un film, en fait, qui est sorti il y a quelques années où les premières 20 minutes sont en langage slang, entre guillemets, de la cité. On ne comprenait rien pour les 20 premières minutes et éventuellement, on s'y faisait et ça donnait de la couleur aussi. Ça devenait quelque chose de peut-être plus positif, mais après, j'imagine que c'est peut-être un peu ça. Après les premières pages, une fois qu'on s'y est fait, là, on en profite un peu plus. Oui, c'est ça. C'est pas incompréhensible. sensible, mais ça peut être peut-être une béquille pour certaines personnes. Moi, ça m'a gossé au début, mais après ça, j'en ai fait mon affaire, puis ça a été. Ça enlève rien à la qualité de cette bande dessinée là. Alors ça s'appelle Pizza Road Trip. C'est de Cha et El Diablo. C'est chez Ankama. Et Anne-Marie Olivier, deuxième titre pour cette semaine. On parle de Bachalo. Oui, donc dans un tout autre registre, donc les auteurs Michael Galli au scénario et Arnaud Bétan au dessin, c'est chez Delcourt. Donc on est sur une énième variation de la Deuxième Guerre mondiale, sauf qu'on s'attarde à un pan de l'histoire qui a peut-être été méconnu ou moins publicisé. C'est sur en fait les Romanichais, les Roms, les Tziganes, qui ont été extrêmement persécutés aussi. Oui, enfin, on a tendance à oublier que la persécution était extrêmement large, là. Oui, exactement. Donc, on suit un personnage, un Tchèque, qui s'appelle Joseph, et qui va rencontrer un groupe de Roms qui cherchent leurs garçons qui ont été mystérieusement enlevés. Et Joseph, ce Tchèque, qui est aussi policier, cherche également, lui aussi, son garçon d'une dizaine d'années qui a été enlevé. Alors, les deux, improbablement, vont s'allier. Le groupe et ce policier tchèque pour essayer de retracer les enfants qui sont disparus. Donc, au fur et à mesure que lui s'adapte à une vie nomade qui n'est pas habituée, il va découvrir un peuple aussi méconnu qui va accompagner jusqu'au bout de l'horreur, là, littéralement. Et ce qui est intéressant, c'est que on suit à peu près trois histoires en une. Donc, cette histoire de ce policier qui cherche ses enfants, qui tente de s'adapter à un peuple qu'il ne connaît pas et qui est extrêmement mal vu partout où il passe. On suit aussi l'histoire des enfants qui sont enlevés et vous me voyez venir, les nazis ne sont pas très loin dans cette histoire. Et bien sûr aussi une histoire d'amour, parce que faut bien qu'il y ait un peu d'espoir dans ce récit. Donc une bande dessinée assez dense, assez forte en émotion quand même. Mais en fait, je pense que le sujet porte à ça aussi, dans la mesure où c'est bien traité, nécessairement, en fait, on ne peut qu'être touché par les drames humains intenses, en fait, qui ont été vécus par moult personnes à cette période-là. Oui, c'est ça. On parle ici d'une fiction, mais qui est sur un fond historique très, très bien documenté. On a une BD qui est majoritairement en couleur sépia. Donc, c'est comme si on lisait un peu un journal intime, en fait, de quelqu'un. Alors, ça se prête beaucoup, ce type de couleur, à un récit qui se passe, il y a quand même plusieurs dizaines d'années. C'est un trait assez expressif aussi, puis il faut dire qu'il y a un découpage vraiment soigné qui a été fait, donc ça assure une lecture qui est assez facile, malgré le ton assez neutre aussi, parce que c'est souvent Joseph qui est le narrateur, alors c'est souvent en voix off, mais on a l'impression qu'il livre ses dernières pensées, en fait. Alors c'est très émouvant, on peut dire ça comme ça. Et puis c'est bien de s'attarder justement à ce peuple qui a fait les frais de beaucoup d'expériences, d'expérimentations, parce qu'on les considérait comme inférieurs et asociales aussi parce qu'ils étaient nomades. Donc tout ça est mis de l'avant, et on retrouve à la fin aussi un très beau cahier sur l'histoire de ce peuple-là sans pays et les raisons un peu de leur persécution qui perdure aussi de nos jours, là. Donc très belle BD historique. Alors ça, c'est Bachalo, donc d'Arnaud Bétan et Michael Le Galli, c'est chez Delcourt. Anne-Marie Olivier, on se dit à l'année prochaine? Oui, tout à fait. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à toi également. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Voilà donc les commentaires BD d'Anne-Marie Olivier. Et toujours à la vie en BD, vous venez d'entendre un autre petit extrait de la formation Slime Girls. Ça, c'est Neo Tokyo Sunset sur l'album Vacation Wasteland. Et si vous aimez ça, ben, sachez qu'il est disponible en téléchargement via le site bandcamp.com. Et maintenant, on porte un regard sur quelques récentes parutions. Un auteur assez actif, voire même très actif côté parution. Donc, il s'agit d'Alexa. Alexa, bonjour. Oui, salut. Alors, tu viens de nous offrir notamment chez Première Ligne la lettre A. Et également, il y a aussi ta série La Jean-Jean chez Presse Aventure qui se poursuit déjà. Troisième tome, Opération Moignon, qui est sorti. Tu travailles déjà sur le quatrième. Ah, il est fini. Il est fini? Il est fini. Donc, c'est le cinquième qui commence déjà. Tu t'en sors avec ce rythme-là? Comme je t'ai dit tantôt, en ce moment, je suis vraiment épuisé parce que j'ai entre mercredi et jeudi, j'ai travaillé 18 heures en ligne. Puis j'ai fait comme 3 nuits blanches. Mais là, c'est fini. Fait que là, je suis dans une période plus relax. J'avais hâte d'être ici puis de sortir de chez nous. Et justement, en fait, peut-être, intéressons-nous un peu à la lettre A, qui est un album qui nous amène dans le chez-toi de ton avatar BD-esque, un auteur de BD qui crée des BD dans son appartement humide. Qu'est-ce qui a amené un peu à cette idée-là, à l'idée de créer des strips dans ce type d'univers-là? C'est né à l'époque où j'allais à l'école de Montréal, ben j'allais au cégep du Montréal, puis j'habitais à Saint-Jérôme, puis je faisais beaucoup trop de trajets d'autobus. Puis à un moment donné, il m'est arrivé, j'ai pensé à une idée d'un strip, d'une blague qui m'est arrivée dans l'autobus. J'en ai fait un, je l'ai mis sur Internet, puis il y a un site Internet français comme un journal qui m'avait approché pour dire on veut des strips à chaque semaine. J'ai fait OK, je vais essayer. Puis je suis pas un expert en strip, c'était pas quelque chose qui m'attirait prime abord, mais j'ai dit je vais essayer. Puis ça, la série a commencé là, puis je la publiais sur mon blog, soit à chaque semaine, à peu près 4-5 ans. Puis quand j'ai découvert Première Ligne, ils voulaient que je leur propose un projet, fait que j'ai dit ben celui-là, tant qu'à faire, j'ai assez de stock pour le proposer, le développer. Puis le personnage d'Alex qui est c'est moi, mais c'est pas moi là, c'est une représentation cartooniste de moi. J'ai l'impression que c'est un espèce de jumeau cosmique qui est comme identique mais dans un univers cartooniste qui se peut pas. Mais ça, j'avais envie de développer ce personnage là. Oui, puis en même temps, c'est un personnage un peu comme la Jean-Jean. C'est des personnages qui te suivent depuis un certain temps. En fait, c'est cette représentation-là de toi-même, et tu le montres un peu d'ailleurs à la fin de l'album. Il a évolué le temps qu'il trouve sa forme actuelle, son look, son style. J'ai des dessins encore plus anciens que j'avais pas mis parce que je les ai plus. J'ai commencé en secondaire 4. Puis là, j'avais quoi, 15 ans? J'en ai 25, fait que, ouais. Il est né une dizaine d'années. Et justement, ça me fait, c'est un truc, un pantalon de pyjama, un t-shirt. Assez rapidement, tu t'es créé un look de personnage. Et c'est aussi ton look dans la vie, s'il y a des séances de dédicaces, dans les festivals, les événements. Pourquoi tu trouvais que c'était important, justement, de te donner une identité visuelle à toi aussi comme auteur, au bout du compte? L'identité visuelle, je pense, ça vient juste du fait de pouvoir être reconnu facilement dans les salons. Puis, je porte une tuque verte, du super flash, un gros chandail bleu avec mon symbole. C'est un peu un trip de super-héros aussi. J'adore les super-héros, fait que j'ai mon uniforme à moi aussi, j'enfile ça, puis je deviens comme... Alex A. Ça donne une valeur ajoutée au BD. En fait, on voit l'auteur qui est comme dans son album. Dans le les fond, gens, ils regardent la BD dans un salon, puis ils me regardent, ils font comme « Hey, mais c'est toi! » Ben oui! Et en même temps, dans le fond, tu le mentionnes en cours d'éléments, en fait, c'est quelque chose qui se développe, la lettre A, ça a toujours été le nom, c'est ton blog, etc. Qu'est-ce qui est venu par la suite à Première Ligne? Qu'est-ce qui les a amenés à choisir justement d'intégrer, d'accepter ce projet-là? Qu'est-ce que tu penses qui a cliqué pour leur part là, face à ça? Je pense que ça allait vraiment avec leur ligne éditoriale qu'ils voulaient avoir, c'est-à-dire des albums... Plus jeunesse, un peu comique aussi, humoristique. C'était surtout, je pense que c'est surtout l'humour qu'ils recherchaient là-dedans. Et le strip, en fait, versus la Jean-Jean, c'est des longs albums. En fait, tu me disais avant l'entrevue que le tome 5 allait faire dans le 150 pages près. J'imagine que ça doit être un autre beat, entre guillemets, de création quand on arrive à avoir donc des strips de trois cases, justement, qui se tiennent. Je l'annonce, c'est mon dernier album de strip, je pense. En tout cas, pour cette série-là, parce que les strips, je trouve ça vraiment trop exigeant et difficile, parce que j'ai l'impression de devoir créer 150 histoires au lieu d'en créer une grosse pour un livre. Puis c'est pas le... J'aime ça développer dans des histoires, puis être enfermé dans des trois ou quatre cases, j'aurais de la misère. Mais j'ai bien aimé faire ça, puis je suis bien content du résultat, mais je pense que j'ai déjà fait le tour de ce que je voulais faire là-dedans. Fait que le personnage va revenir, mais sous une autre forme. Sous une autre forme, peut-être avec une plus longue histoire, oh, des choses comme ça. Parce que déjà dans la lettre A, t'introduis des éléments plus de longue histoire, d'arc, donc avec une relation possible amoureuse, avec des petits éléments. Donc on s'amuse quand même un peu aussi à essayer de ne pas avoir qu'une suite de strips sans évolution des personnages. Mm-hmm. Ouais, ben je voulais qu'il y ait une ligne directrice, en fait. Je voulais que l'album ait l'air d'avoir quelque chose de fermé à la fin. On a l'impression d'avoir passé par une histoire, même si ils suivent pas nécessairement, mais je dirais que toutes les strips se suivent quand même dans le temps. Mettons que c'est peut-être un an de vie d'Alex. Oui, d'Alex, avec les personnages un peu inopinés. En fait, notamment, je pense, le faire-valoir du héros, et ça, j'ai trouvé ça très drôle. L'enfant, une boule d'humidité qui est privée parce que l'appartement est trop humide. Oui, le monde pense que c'est un fantôme, mais j'imagine qu'à la base, je voulais faire un design de fantôme. J'ai dit, c'est plate, tu vois, un fantôme, on va créer quelque chose de plus fun. Oui, c'est ça, c'est un concentré d'humidité qui peut pas sortir de la maison, sinon il meurt parce qu'il faut qu'il reste dans son environnement humide. Donc, puis lui, c'est quelqu'un d'hyper social. Il veut avoir du fun dans la vie, il veut voir des gens, puis pas moi, mais lui est enfermé, fait qu'il est toujours pogné avec moi qui est tout seul, il déprime beaucoup. Et ça reste dans la logique Alex A qui dessine des bibittes aussi. Oui, c'est ça. Je pense que notamment avec les premiers tomes de la Jean-Jean, on l'avait vu, il y a ce désir, ce plaisir, j'imagine aussi, d'essayer d'inventer des bibittes pas possibles. Ouais, ben j'aime dessiner des personnages qui sont rien, des personnages humains, je trouve, c'est la chose la plus plate à dessiner pour moi. Inventer un toaster qui parle, des animaux aussi. Encore la Jean-Jean, je trouve ça encore trop straight. Fait que c'est pas, j'ai prévu une autre série où là, tous les personnages vont être du n'importe quoi. J'ai beaucoup de plaisir à designer ce genre de choses-là. Et comment tu t'y prends, justement? Comment il design, Alexa? Comment il travaille en pré-création, dans le fond? Ah, mon Dieu, c'est tellement de l'instinctif. C'est dur à dire. Je pars, je prends un cahier à dessin, puis je le remplis de forme, puis je le remplis de bonhomme. J'essaie n'importe quoi, puis à un moment donné, il y en a un qui clique, je regarde son design, puis il y a une expression, puis il me regarde, puis il fait comme, oui, j'ai une vie, j'ai un potentiel pour toi, fait que là, je le prends, puis je le caste dans une de mes bandes dessinées. Ouais, parce que c'est un peu le défi, quand on caste comme ça un personnage, mais nécessairement, un album, tu vas passer des heures et des heures, des jours et des semaines à le dessiner, et qu'il faut que t'aimes le personnage, faut que t'aimes le refaire, probablement facilement une centaine c'est de fois. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un déclic émotif, même si je peux dire, je regarde un personnage, puis je sens qu'il y a quelque chose dans lui. Puis je réfléchis très peu, en fait, quand j'écris. Si ça me parle ou ça me parle pas, puis c'est tout. Oui, puis après ça, dans le fond, tu le casses, puis tu vois comment il peut faire méchant, gentil, faire valoir, etc. On le voit évoluer. Puis ça se peut aussi que ça donne absolument rien, puis que tu l'abandonnes après un bout de temps. Oui, on réussit à faire, à se dire, à un moment donné, OK, dans tel personnage, ça marche moins, je reprends ou je laisse tomber. Tu décides même pas de laisser tomber, tu fais juste comme plus l'écrire, ça vient naturellement, parce qu'il y a rien à dire. Mais ça m'est pas encore trop arrivé, là, j'ai pas assez fait de livres pour ça, là. Mais tu te prépares mentalement. Arrive en cours de route. Je vais commencer à avoir de plus en plus de personnages, là, fait que... ça risque d'arriver. Et d'ailleurs, ça me fait penser, dans un des strips de la lettre A, le personnage Alex décide de suivre des cours d'art. Mm-hmm. Et dans ces cours d'art-là, il peut pas s'empêcher justement de dessiner ces bibites-là. Et là, il se fait dire, c'est pas de l'art. Est-ce que ça aborde aussi quelque chose que tu ressens, que tu as l'impression que tes dessins sont regardés à moindre valeur que d'autres dessins ou d'autres travaux? Peut-être pas à moindre valeur, mais c'est une espèce de sentiment de frustration qui est arrivé quand je suis arrivé en art plastique au cégep. Puis la première journée, les profs ont dit ceux qui savent dessiner puis qui ont déjà un style à eux là, vous allez rusher, oubliez ça. Faut que vous toutes vous oubliez puis tout qu'est-ce que vous avez fait. J'ai fait non, j'ai passé depuis mon enfance à m'inventer mes propres affaires, je peux pas abandonner ça. Fait que ça fait qu'à chaque fois que je faisais du cartoon ou que je faisais des lignes contours à mes personnages, ils me tapaient ses doigts puis non pas ça. Fait que j'ai pu apprendre d'autres choses, j'ai appris à peinture, j'ai appris à sculpture, pour finalement rendre compte que je suis pas peintre puis je suis pas sculpteur, puis finalement ça m'a juste ramené encore plus à faire la bande dessinée. Donc ça aurait servi à confirmer ta vocation. Ouais, c'est ça. Ben ça m'a aussi appris un peu la créativité, parce que quand tu vas en art plastique, les profs seront jamais comme ultra contents de ce que t'as fait. Toi, t'es content de ton projet, tu dis regarde, j'ai eu une bonne idée, ma toile est belle, puis ils font comme non, tu peux aller plus loin que ça, on recommence, ou continue, tu sais, puis là tu fais comme puis ça frustre, mais au bout de deux ans, ton cerveau, on dirait qu'il se réforme, puis à chaque fois que j'invente quelque chose, je fais ouais, mais est-ce que je peux aller plus loin, je peux-tu pousser ça encore plus, fait que ça a eu du bon pour ça. Oui, donne discipline dans le fond, parce que nécessairement, ouais. T'es chez vous, t'es avec tes albums, faut que tu sois discipliné dans, dans l'imaginaire comme dans l'action de mettre sur papier cet imaginaire-là. Oui, exactement. Puis je suis comme je pense que je suis mon meilleur critique, dans le sens, je suis vraiment sévère avec mes affaires, puis c'est comme pour l'agent. J'ai fait trois albums, puis j'ai encore reçu aucune critique sur, mettons, mes histoires ou ça. Me semble que ça n'a pas de sens. Puis moi, j'en ai comme plein à faire. Il y a tellement de choses qui ne marchent pas dans mes histoires, mais on dirait que les gens, c'est pas important. Ils rient, puis ils trouvent ça amusant. Fait que... faut dire qu'il y a un côté absurde aussi qui j'ai l'impression, amène au pardon de petits raccourcis scénaristiques. Ah, des gros raccourcis. Oui, oui. Parce que c'est tellement absurde, justement. Oui. Et ce côté-là, on l'a aussi dans la lettre A, mais il est beaucoup plus exacerbé dans la série La Jean-Jean. Pas, j'ai des grosses histoires qui finissent plus, là, puis j'ai jusqu'au tome 8, puis c'est quasiment une histoire continue, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de stock. Puis d'un fois, je finis d'écrire un album, je suis content, je le relis, puis je fais « Oh my God, il y a un trou immense là, qu'est-ce que je fais? » Ben, j'ai rien qu'à sortir un personnage qui dit « Il y a un trou immense là, puis voilà, je suis pardonné, parce que c'est de l'absurde. » C'est parfait pour moi qui vienne commencer là-dedans, puis qui vienne de commencer sa carrière de scénariste, parce que j'avais jamais fait de choses aussi grosses avant, fait que ça me permet d'apprendre sur le tas, puis sans que trop que les gens remarquent. Oui, j'imagine que ça va être intéressant pour toi-même de voir, rendu au 8e tome, par exemple, le premier, j'imagine qu'il va avoir aussi beaucoup d'expérience qui va s'être prise au fil des albums. Mais oui. Je viens de finir le 4, puis je regarde le 1 et le 4, puis c'est deux mondes complètement différents. Là. Et juste, j'ai appris à dessiner, en fait. C'est vraiment avec le 4, je trouve que j'ai... qui sort en avril prochain, d'ailleurs. Venez me voir demain, je vais vous en montrer des extraits à la séance de dédicace, je l'ai sur moi. Mais mon trait s'est affirmé, mes personnages aussi, ma couleur, j'ai vraiment une discipline de travail à cette heure. Fait que ça m'a pris comme 4 livres avant de vraiment trouver ma bonne façon de travailler. Fait que c'est pour ça, faites le test chez vous, prenez les 3 livres, là, puis regardez les différences entre chaque... Il y en a. Oui, oui, oui. Surtout le premier, là. puis en parallèle avec la lettre A aussi, bien, ça permet de voir d'autres éléments, parce que ça s'est fait en parallèle aussi. Donc, j'imagine, en même temps, tu dis, c'est un bon défi de trouver des histoires de trois cases qui se tiennent, mais inversement, ça devait être limite relaxant ou au moins changer d'esprit, les rouages de l'esprit, de passer d'une histoire d'au-dessus de 100 pages à des trucs courts. Non, au niveau du scénario, c'était plus stressant, plus dur, mais au niveau du dessin, ça, c'était plus relax. Parce qu'il y a beaucoup moins de décors là-dedans. C'est toujours les deux, trois mêmes personnages qui reviennent. Fait que c'est des plans simples, il n'y a pas de grosse action. Fait que pour ça, c'est correct. Mais non, le scénario, j'étais deux fois plus stressé que d'habitude. En plus, c'est ça que je devais le faire entre deux autres albums. J'ai mal organisé mon temps, là, c'est de ma faute. Alors, on fait pas mal donc de sorties du côté d'Alex A. Comme d'habitude, en fait, je pense à chaque fois que tu passes à l'émission, Alex, t'as toujours deux albums. Ouais, c'est la logique. Si tu m'invites l'année prochaine à la même date, je vais en avoir deux de plus. Ouais. On reste constant. Ouais, oui, tout le temps. Alors, en fait, donc, les dernières sorties, je le rappelle, le tome 3, La Jean-Jean, Opération Mognon, Société Presse Aventure, la lettre A, première ligne, donc, pour cet album de strip. Et tu l'as mentionné tout à l'heure, en fait, pour te rencontrer, pour aller voir ce que tu fais, pour voir des previews de ce qui s'en vient et pour avoir une dédicace, eh bien, c'est demain à 11h, à partir de 11h, à la librairie Morancy, qui est à place Fleur de Lys. Merci de me le rappeler, j'avais oublié l'heure, mais c'est bon. Tu me l'as envoyé, c'était pour ça. Ouais, okay. Alors donc, demain à 11h. Mm. Et Alex, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Et à la prochaine. Oui. Alors nous, on prend une pause pub et au retour, Isabelle Arsenault et Marco Duchesne. À la recherche d'un traiteur avec un chef issu des meilleurs restaurants de Québec, mais qui vous offre un excellent rapport qualité-prix? Pensez à Équilibre Boutique Traiteur. Installé dans le Vieux-Port de Québec, il vous propose en salle à manger des menus à partir de $14 et un menu du soir en dégustation à l'aveugle sur réservation. Également disponible un service de boîte à lunch pour le bureau ou de chef à domicile. Équilibre Boutique Traiteur, la solution traiteur pour recevoir chez vous, dans vos événements ou dans notre restaurant. Équilibre-traiteur.com. Pantoute fête 40 ans de lecture passionnante. Découvrez notre album anniversaire qui présente 335 livres qui nous ont marqués dans tous les genres littéraires. Cette publication gratuite est disponible dans nos deux librairies. Profitez de votre visite pour participer à nos tirages hebdomadaires et pour obtenir votre cadeau, Un premier achat de 40 $ sera inscrit sur votre nouvelle carte de fidélité électronique. Une façon de vous remercier d'être avec nous depuis 40 ans. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le 16 décembre, 20h. Entrée libre, contribution volontaire. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeu, musique, un événement hors du commun. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés. Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle, si vous voulez avoir un peu plus d'informations ou nous suivre par d'autres médiums que la radio, ben nous avons notamment notre page Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Également, le podcast est disponible sur le blog de l'émission lavieenbd.wordpress.com. Et une sortie qui est un peu, qui figure nécessairement parmi les incontournables de la saison, d'un côté sa forte médiatisation et de part principalement sa grande qualité, un excellent album qui nous est arrivé chez La Pastèque. Ça s'appelle Jane le Renard et moi. C'est de Fanny Britt au scénario et Isabelle Arsenault au dessin. Et on va plonger justement dans cet univers en compagnie de donc sa dessinatrice Isabelle Arsenault. Bonjour. Bonjour. Alors album qui porte sur un sujet qui est pas nécessairement facile, qui arrive à point nommé aussi dans le contexte des débats, des réflexions, des préoccupations qui ont animé l'actualité ici et ailleurs au fil des derniers mois, au fil de l'année. On parle d'intimidation. Donc, qu'est-ce qui amène un peu, qu'est-ce qui vous amène vers ce sujet-là justement et vers cet album-là également? Ben, le sujet, ça vient vraiment de Fanny. C'est elle qui a écrit le scénario. Donc, moi, ça m'a été proposé. J'ai pas vraiment eu rien à dire à ce niveau-là. Mais ça m'a tout de suite accroché, c'est certain, parce que c'est vraiment un sujet qui est d'actualité, oui, mais de tous les temps, un peu. Autant quand moi, j'étais jeune, dans les années 80-90, qu'aujourd'hui, dans les années 2000, où c'est vraiment différent, mais c'est toujours un sujet très sensible et qui, moi, m'a touché tout en partant, c'est clair. Et c'est ça qui vous a donné, j'imagine, un peu envie aussi d'embarquer dans le projet comme ça. Donc, le sujet et j'imagine le traitement qu'en proposait aussi Fanny Britt. C'était, oui, je crois, un 16 pages au départ que vous aviez reçu? Ben, c'est un 16 pages de texte vraiment condensé, là. Un 16 pages de document Word, là. Donc, c'était pas clair au départ quelle forme ça allait prendre. Mais étant donné qu'il y avait autant de textes, moi je voyais quelque chose d'assez volumineux comme volume, comme livre, parce que ben c'est ça, je voulais pas que ce soit trop dense non plus, étant donné le sujet aussi. Mais donc j'avais vraiment le goût de me lancer dans un projet plus important là en termes de nombre de pages. Et au niveau de la collaboration, du développement de l'ensemble, donc une fois que la collaboration a été mise en place entre vous et Fanny Britt, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un peu des relances, un travail commun, à tout le moins de critique, de regard externe sur le scénario, ou ça a été assez divisé entre une tâche et l'autre tâche? Très peu d'échanges durant le processus. Fanny, elle a écrit son texte de son côté, et puis on a eu quelques échanges de courriel une fois le texte terminé. Puis une fois qu'il était finalisé, moi j'ai pris c'était la partie où moi je suis embarquée, puis j'ai vraiment fait le découpage, donc J'ai vraiment décidé du nombre de pages que je voulais faire. Puis tout ce qui est visuel, ben c'est ça, ça venait de moi. Puis après, quand j'ai montré, ben mon stress c'était de voir si ça allait lui plaire. Puis j'avais quand même ébauché une centaine de pages, donc heureusement ça a été à sa satisfaction. Puis là, c'est ça, je suis bien contente que du résultat final. Finalement, Non, j'allais dire, vous avez un peu mis en scène son texte, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme une mise en scène, une espèce de vue de son scénario qui rappelle parfois un peu... moi, en tout cas, c'est ma première expérience en bande dessinée. Donc, pour moi, c'était vraiment comme presque du film, un peu. Ça me faisait penser un peu à du storyboard, un peu une manière de mettre en scène, de visualiser un scénario. C'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire plutôt dans mes livres, mes projets de livres jeunesse, là. Et on parlait du sujet tout à l'heure, donc vous recevez un texte qui est très personnel, ça part d'une expérience vécue par Fanny Britt. C'est un sujet qui est pas facile, c'est un contexte intime, donc comment on réussit à trouver le bon angle narratif pour le traiter, le bon angle graphique pour l'appuyer, donc comment on attaque un sujet comme ça, pour bien l'attaquer dans le fond? Ben, il faut le sentir. Moi, je me suis inspirée beaucoup de mes souvenirs personnels de l'école primaire ou même secondaire. Pas que j'ai été du tout touchée par des problèmes comme ça d'intimidation, mais on a tous été témoins un peu de ce qui... Moi, j'observais beaucoup autour de moi, puis c'est sûr que je me suis inspirée de ce que j'ai vu, que j'ai connu autour de moi. Mais donc... C'est vraiment beaucoup des souvenirs un peu, puis j'ai voulu transmettre ça, mais de manière évocatrice, donc sans appuyer trop fortement sur certains détails, juste en essayant de sobrement illustrer un peu une histoire qui peut toucher plusieurs personnes. Donc c'est la manière qu'on l'interprète, quand on laisse un peu de flou comme ça, mais chacun peut y mettre ses détails, donc personnaliser un peu l'histoire. Puis c'est un peu ça qui m'intéressait dans ce scénario. Oui, puis en fait, le dessin, justement, apporte beaucoup à l'ambiance du livre, à l'esprit du livre, et en même temps, comme vous le mentionnez, donc il y a une porte ouverte à l'interprétation dans les choix que vous avez faits. Je prends exemple le côté sale et terne, peut-être un peu du crayon à mine, qui peut faire le pont, peut-être, avec quelqu'un qui a pas toujours trouvé sa place dans la vie, donc le côté un peu incertain du personnage, qui est bien porté par le type d'outil que vous avez choisi pour le dessiner. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Quand je fais des trucs, des dessins, des illustrations, c'est toujours aussi important ce qui est illustré que la manière que c'est illustré. Donc, c'est sûr que le médium était un point important dans la représentation, dans l'évocation des moments. Donc, c'est sûr qu'il y a dans certaines images, j'ai été en estompant, donc en frottant, à d'autres endroits en effaçant, donc en retirant un peu de mine. Je travaillais beaucoup à la mine, donc c'est ça. J'ai allé vraiment en sentant vraiment le médium de manière très sensuelle quasiment, hein, mais c'est ça. Ça donne un résultat où je pense que j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi c'était quelque chose d'émotif, puis je pense que ça caractérise un peu l'ensemble de mon travail. Oui, puis en même temps, ça rajoute, en fait, parce qu'on parlait d'intimité tout à l'heure, on est au crayon, il y a un côté journal intime dans la narration, ça vient appuyer aussi par le graphisme, donc encore là, c'est je pense que ça reste dans la ligne aussi. Oui, c'est sûr, c'est ça, c'est quelque chose qui est comme un peu en développement à cette époque-là, à cet âge-là, on cherche un peu, on essaie de se définir, puis cette ligne floue un peu, je trouvais que c'était pertinent là, pour en termes de récit. Et évidemment, il y a Jane aussi, donc Jane Eyre, qui accaparait par moment dans ce récit-là. Et c'est les seuls moments où il y a de la couleur, justement. Je crois que c'est de l'aquarelle, des dessins à l'aquarelle. Oui, c'est un mélange d'aquarelle, de l'encre, de la gouache. Puis c'est ça, c'est pour ces sections-là. J'avais envie que les images... se distingue particulièrement du reste du récit parce que ça se passe un peu dans son imaginaire puis dans un monde idéalisé. Donc elle voit ça comme étant merveilleux, là, la vie de Jane Eyre, puis ça lui donne espoir en fait. Puis à la fin, c'est ça, l'espoir apparaît aussi dans sa vie, donc un peu de couleur à la fin également, mais c'est ça, j'aime ça, utiliser la couleur, lui donner un rôle dans mes livres. Oui, et en même temps, ça nous rappelle aussi que tout ça, justement, on le voit à travers les yeux d'un enfant de 10 ans, parce que quelqu'un qui connaît peut-être un peu plus l'époque victorienne serait dit, bon, OK, c'est pas coloré, vivant, oui. Mais c'est justement ça qui fait le côté intimiste aussi, ça ramène oui. à l'intimité. Non, c'est ça, puis j'avais pas envie que le récit de Jane Eyre se passe dans un environnement tout brun, tout sombre. Je voulais vraiment que ça soit plus fantaisiste, puis inspirant, puis imaginaire. Donc, c'est ça, ça reflète exactement sa vision à elle, puis elle personnalise. Donc, chacun peut avoir la vision, son interprétation d'un livre qu'il lit. Donc, c'est quelque chose d'important. Oui, puis même chose aussi dans le récit, vous jouez, on parlait du gris tout à l'heure, des éléments qui sont plus clairs, d'autres qui sont très sombres aussi. On a l'impression que vous nous amenez dans une ambiance plus noire quand le personnage, le protagoniste, se sent justement très isolé. On joue un peu avec ça. En fait, j'aime bien aussi justement qu'on porte une attention tout particulière justement à l'ambiance qui ressort d'un texte comme ça. Ben oui, c'est important. Puis surtout, je trouve que ça allait bien avec le sujet. Puis tout le côté isolement de la fille qui est dans un contexte social pénible pour elle, dans un camp avec des amis, pas avec des amis, sans amis plutôt. Puis c'est un environnement particulier. Puis pour ça, fallait le refléter d'une manière picturale particulière aussi. Et Isabelle Arsenault, au terme de ce travail-là et même en cours de travail, est-ce qu'on a eu l'impression à un moment donné qu'il y avait des similitudes aussi entre les imaginaires, entre les sensibilités, entre la vôtre et celle de Fanny Britt pour réussir justement à faire un travail comme ça ou qui semble justement vraiment sur la même longueur d'onde aussi de bout en bout? Ben oui, certainement. Puis mais ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé après coup. Donc on a, comme je disais tantôt, on n'a pas vraiment travaillé en collaboration étroite tout le long du processus, mais c'est seulement une fois que le livre est terminé que là, on a vraiment plus eu la chance de se connaître, tout en faisant un peu les entrevues par-ci par-là, on parlait de notre livre, puis on s'est rendu compte que c'est ça, on venait de la même place quasiment, de la même époque, on a grandi à la même époque, donc on vient des régions, moi je viens de Sept-Îles, elle vient d'Amos, on a comme un peu le même background, puis c'est ça, fait que je pense que nos imaginaires se rejoignent quelque part, puis ben c'est la beauté de créer. Et est-ce qu'on envisage d'autres collaborations après Jane, Le Renard et moi? On aimerait ça, là, mais ça reste dans l'air, là. On va laisser l'inspiration faire son travail. Et d'ici là, on peut voir la résultante, donc, de tout ça. Donc, je le rappelle, ça s'appelle Jane, Le Renard et moi, donc d'Isabelle Arsenault et Fanny Britt, c'est chez La Pastèque. Isabelle Arsenault, merci beaucoup. Merci. Et au plaisir. Au plaisir, au revoir. Ah ben voilà, donc sur ce regard, donc sur ce très bel album, et nous, ben on reprend une autre petite respiration musicale avec la formation Slime Girls. On écoute un extrait de Vacation Wasteland. Et voilà, toujours à la vie en BD. Et ben, on se prépare tranquillement au temps des fêtes. On commence toujours nos émissions avec des mentions des albums qui ont été primés ça et là à la fin de 2012. Mais avant 2013, il y a un événement important qui s'en vient aussi, qui s'appelle le temps des fêtes, qui est accompagné de différents événements qui permettent notamment de demander des cadeaux. Et peut-être que vous avez envie d'avoir des idées de cadeaux à demander en lien avec la bande dessinée. Et ce qui a amené Marco Duchesne à nous proposer exactement ça aujourd'hui. Marco, bonjour. Hey, salut. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien. Et Marco, cette semaine, en fait, on est dans le gros stock, là, des gros albums, beaucoup de pages, beaucoup de... Ben, en fait, oui. Bon, évidemment, les éditeurs, quand arrive le temps des fêtes, lancent leur plus gros canon. Alors, on voit surgir le dernier Largo Winch, on voit surgir le Magasin Général, tous ces titres-là qui vont faire en sorte que les lecteurs de BD, et même ceux qui sont occasionnels, vont finir par avoir leur dernier numéro du Magasin Général ou de Largo Winch. Des grosses séries qui mais l'amateur sortent, de BD, oui, il veut la grosse affaire. Mm-hmm. Pourquoi pas se mettre en gang et lui offrir? Je veux dire, à un moment donné, l'amateur de BD, il adore les beaux objets. Il adore la BD, il adore les intégraux, les intégrales, les coffrets, les trucs. Alors, et les éditeurs le savent, et nous envoient de ces coffrets, de ces intégrales-là, oui, dans le temps des fêtes. Oui, ça se renvoie un peu, Marco, à l'idée, justement, que quand on aime la BD, on la lira pas en mode dématérialisé. On va avoir le livre. C'est un contact privilégié qu'on va avoir avec le dessin et le reste. Donc. Et souvent, ces objets-là ont un petit plus. Oui. Je t'ai parlé de Théodore Poussin. Avec beaucoup de d'éléments d'ajout où l'auteur nous explique ben qu'est-ce qui l'a amené à créer ci, ceci. Alors, on prend tous un crayon, une feuille de papier et on prend des notes. Hein? Ben oui. D'Argo nous envoie l'intégrale de Ken's Game. Ken's Game a été, l'année passée, début de l'année, fin de l'année 2011, début d'année 2012, une mini-série de trois albums avec une histoire avec trois points de vue différents, trois personnages différents, trois amis. Écoute, une série extraordinaire, magnifique au niveau du scénario, magnifique au niveau du découpage, des couleurs, bref, un petit bijou. Eh bien, on l'a, les trois tomes sont maintenant en un seul, une intégrale, très jolie intégrale, parce que à la fin, les deux auteurs nous fournissent leur travail, comment ils ont collaboré avec le storyboard, puis à mesure que les pages avancent, on voit la couleur se rajouter, les modifications du storyboard avec les pages finies. Un petit bijou, une cinquantaine de dollars, et on a une histoire complète. Avec en plus, donc, un making-of. Voilà. Alors, c'est chez D'Argo, de Rob Ledo et Toledano, parce que c'est des hispanophones, évidemment. Alors, c'est chez D'Argo. Ken's Game, l'intégrale. Sinon, il y a un autre intégrale aussi, celle de Sandman. Ben oui, écoute, moi, dans les années 90, je suivais avidement la série de Neil Gaiman qui s'appelle Sandman. Il a créé un univers extraordinaire, fantastique, ou plutôt fantasy. Il a créé des personnages plus grands que nature dans des espèces de royaumes. En fait, Sandman, c'est le maître du rêve. Son royaume, c'est le rêve. Mmh. Sa petite sœur, c'est la mort. Une autre de ses sœurs, c'est la folie et la paranoïa. Bref, tous ces émotions humaines-là ont un royaume et un maître. Et à travers cette méga série qui a duré des années, ces 10 paperbacks, en fait, c'était vraiment quelque chose. Évidemment, c'est le principe américain. Ouais, alors, en fait, les dessinateurs changent. Mais le travail que Neil Gaiman a fait au niveau des histoires est absolument extraordinaire. Parce que c'est lui qui scénarise l'ensemble. Il a toujours été là et c'est à lui. Oui, parce qu'en fait, j'ai l'impression que si on va avoir une série qui se tient, faut qu'il y ait un créateur qui fasse le suivi, qui s'assure que... Ça prend une ligne de conduite, ben oui. Et elle n'a jamais changé. Bref, dans les années 90, les Américains nous ont sorti des intégraux, des absolute editions qu'ils appellent, et c'était bien plaisant si on lit l'anglais et tout. Mais les francophones, maintenant, peuvent avoir accès à Sandman. Urban Comics, qui a tout dit ici, vient de faire paraître l'intégrale volume 1, parce qu'il va y en avoir quelques-uns, mais quelle belle occasion à Noël de faire découvrir cette série. Ça vaut une soixantaine de dollars, 62 je crois, mais quand même, il y a du stock, comme on dit, là. Et les histoires sont absolument fabuleuses. Et du côté d'Urban, d'ailleurs, ils sont vraiment en mode traduction et édition de plein de trucs. On avait parlé au début de la saison de Batman. Et voilà, comme je disais, ils ont choisi une belle période de recommencer DC, qui a tout remis à neuf ses personnages. Ont mis des équipes de scénaristes et de dessinateurs absolument top shape, numéro un. Alors, c'est en plein local. Et quand ils font du rétroactif, aller chercher les classiques, ils vont chercher le haut de gamme. Et c'est le cas pour Neil Gaiman. Et sinon, Marco Duchesne, deux coffrets dont on parle cette semaine, notamment une série qui est très appréciée, je pense. Ah, écoute, ça a été... cette série-là nous a fait parcourir une bonne partie des années 90, une autre partie des années 2000. On a attendu chaque album avec un grand plaisir. Une belle fantaisie que s'est permis Delcourt. Dès le départ de leur jeune existence en tant que maison d'édition, il a fait partie du catalogue. C'est de cap et de croc. Avec ces espèces d'histoires de mousquetaires, histoires animalières, les personnages sont des animaux, mais qui, même si l'histoire était de mousquetaires et qui nous racontait ces histoires un peu théâtrales avec ces mousquetaires-là, les auteurs avaient comme une préoccupation de garder le langage de l'époque, de faire rimer un peu les répliques des personnages. D'aller plus loin que simplement une épopée d'époque. Là. Et très humoristique. Et cette série était terminée. Et elle arrive pour Noël dans une espèce de coffret boîte, tu sais, debout, t'enlèves le couvercle, magnifiquement illustré. Écoute, un beau cadeau de... C'est vrai que c'est 189$, mais hey, si la famille se met en gang, je veux dire, En fait, dans ton courriel où tu m'avais envoyé ta liste de sélection de cadeaux, tu m'as dit, bon, c'est Noël, on peut se permettre d'en demander un peu plus qu'à l'habitude. Toujours. Et sur le... d'un autre registre, mais toujours aussi intéressant, c'est Le Chat. Le Chat, c'est Philippe Geluck qui fait son humour un peu déjanté, un peu il joue beaucoup avec les mots, les palindromes, les palincestes, les calembours, les contrepétries. Il se sert de vieilles illustrations et rajoute des bulles qui fait des trucs absurdes. C'est une émission de radio en Belgique. Il participe à des... Et Le Chat, depuis des années, une vingtaine d'années, tranquillement, chaque album, c'est toujours un cartoon, hein, c'est un dessin humoristique et tout ça. Alors, ça fait longtemps que ça dure. Et pour les amateurs, justement, ces amateurs un peu qui, dont leur lot quotidien est l'humour absurde, le jeu de mots, eh bien, je leur conseille le coffret. Ils ont réédité, avec le dernier, il vient de paraître, le dernier Chat, mais ils ont sorti le coffret. Tout petit, 150$, tous les albums y sont. Et je pense que ça peut faire vraiment plaisir à un amateur. Et d'habitude, les amateurs du Chat sont pas nécessairement les amateurs de BD pure dure. C'est des amateurs de bonnes choses qui font rigoler. En fait, c'est ça, c'est des mots d'esprit. Limite, c'est pas des caricatures, mais Et le personnage revient et on finit par s'y attacher avec le Chat qui arrive toujours avec sa situation cocasse et sa souris. Il y a toujours une souris avec lui. Vraiment intéressant. Okay. En fait, au niveau de dessin, c'est ça. Bon, c'est tout à fait simple. Sketch, hein? Non, c'est un Chat, tout simplement, qui fait des jeux de mots. Tu sais, exemple, le dernier, la couverture, tout est là. Le dernier, sur la couverture, on y voit le Chat, avec habillé en homme des cavernes, c'est-à-dire avec l'espèce de maillot léopard. Il tient un bâton, une énorme massue dans la main. Et ce Chat-là, tout ce qu'il a comme réplique, c'est « j'ai le gourdin ». Alors, en France, avoir le gourdin, c'est avoir une érection. Mais bon, lui, il a le gourdin qui est aussi la massue, le nom de la massue. Alors, ça te donne un genre... Là, est un peu... toutes les autres trucs, c'est souvent comme ça. Mm-hmm. Double sens, jeu de mots, ouais. Toujours double sens, toujours jeu de mots. Alors ça, c'est Le Chat. Et en terminant, dernière grosse suggestion. Alors, là, j'espère que vous avez pris des notes. Et pour la prochaine suggestion, vous mettez mon nom en dessous. Alors, vous pouvez vous mettre en gang, 8 à 12 familles. Hein? Alors, ça s'appelle L'art de la bande dessinée. C'est un énorme livre d'art qui vient de paraître chez Citadel et Mazendo, qui est une maison d'édition qui publie du livre d'art. Et les, en France, ils ont décidé d'introduire la BD dans ce monde-là. Et l'art de la BD, c'est ça. C'est, ils ont été chercher la collaboration de des dizaines de spécialistes, dont Thierry Grosjean, dont Benoît Peters. Et là, ils font d'abord une définition, mais j'ai jamais vu une définition aussi précise, accessible sur la bande dessinée, y incluant à peu près tous les genres. Ensuite, il y a une histoire de la BD par événement majeur qui a marqué chacun des courants de la de bande. Et c'est sans compter l'iconographie qui est magistrale d'avoir choisi les planches majeures. On a réussi à faire une sélection qui se tient, justement. Là. C'est... Alors, c'est, le prix est 325. Ça, on dit moins fort. Mais, mais, comme je vous dis, si vous vous mettez à 8 ou 12 familles, même si vous ne me connaissez pas, écoutez, même si vous ne me connaissez pas, je pense que ça pourrait faire un beau cadeau. Et pour Noël. Parce que dans le fond, comparativement à d'autres ouvrages de référence, eux réussissent à faire donc une bonne, un bon travail de mise en contexte, de définition, de sélection, d'explication. En fait, c'était normal qu'arrive un ouvrage de référence qui fasse la synthèse de toutes les autres, parce que à mesure qu'un art évolue, un art prend pied et vraiment dans le culturel, la neuvième art est récent. Mais bon, c'était inévitable que ça fait cette qualité-là. Et c'est un gros morceau, mais comme je disais, à la gang. Alors ben, plusieurs suggestions donc qui vous sont lancées. On écrira tout ça également sur le blog avec le podcast de cette émission. Mais je vous rappelle donc l'intervalle Ken's Game, l'intégrale Sandman, les coffrets de Cap et de Crow, le chat également, et enfin l'art de la bande dessinée. Quelques suggestions de beaux cadeaux de Noël de la part de Marco Duchesne. Et nous, Marco, on se dit à l'année prochaine. Ben oui, c'est ça. Joyeux Noël et bonne année. Et nous, chers auditeurs, auditrices, on se dit à la semaine prochaine. On aura l'occasion notamment de parler des contes dont vous êtes le héros. On parlera également de cette bande dessinée Q-Sec qui vient de paraître. Alors tout ça et plus dès la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur les ondes du 89.1 CKRL. C'était Raymond Poirier au micro et ça a été un plaisir d'être avec vous.